إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons inshallah les explications des quatre règles en se tenant sur les explications de Cheikh Saleh al-Sheikh Hafidhahullah, et nous avons terminé la semaine passée la deuxième règle. Nous allons donc commencer cette troisième règle. Et on avait vu qu'il y a tout un suivi concernant ces règles-là. Tout d'abord, on comprend l'état des polythéistes. Quelle est leur croyance? On se rend compte, en étudiant la première règle, qu'ils ne reniaient pas qu'Allah était le créateur. Ils croyaient qu'Allah était le créateur. D'accord? Mais ils adoraient, d'accord? Donc c'est-à-dire que le fait qu'ils croient qu'Allah est le créateur, eh bien, cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Donc croire qu'Allah est le créateur ne fait pas de quelqu'un un musulman, d'accord? Pour qu'il soit musulman, il doit unifier Allah dans l'adoration et suivre la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'était la première règle. Dans la deuxième règle, on comprend, eh bien, pourquoi en fait ils adoraient autre qu'Allah. On avait vu qu'ils ne vouaient pas un culte exclusif à leurs idoles et leurs fausses divinités, mais ils adoraient en fait ces fausses divinités dans le but de se rapprocher d'Allah et dans le but que ces fausses divinités puissent être un intercesseur, puissent intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils recherchent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en pratiquant cet associationnisme-là. Donc on avait vu cela dans le détail, et maintenant nous en arrivons à la troisième règle. Al-Qa'idatu Thalitha. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. Dans la troisième règle, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. منهم من يعبد الملائكة, il y en avait qui adoraient les anges. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين, il y en avait qui adoraient les anges. D'autres qui adoraient les prophètes et les pieux. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَحْجَارُ وَالْأَجْجَارُ, d'autres qui adoraient les pierres et les arbres. Lorsqu'on dit les pierres, ça peut être donc les statues taillées sur la pierre et les arbres. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, et d'autres qui adoraient le soleil et la lune. وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Cependant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les combattit tous sans distinction. Il combattit tous sans distinction. Parmi ceux qui adoraient les pierres, ceux qui adoraient les arbres, ceux qui adoraient les anges, ceux qui adoraient les hommes pieux, ceux qui adoraient la lune, le soleil, il les a tous combattus sans distinction. D'accord? Ceci est indiqué par la parole d'Allah azza wa jal. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dans Sourate Al-Anfal, dans la traduction du sens du verset 39, donc Sourate 8, verset 39, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associationnisme et que la religion soit entièrement à Allah. وَالدَّلِيلَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ قَوْلُهُ تَعَالَى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dans la traduction du sens du verset 37 de Sourate Fussilat, la preuve que des gens adoraient donc le soleil et la lune, parmi ces merveilles, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et la preuve que certains adoraient les anges, قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Dans la traduction du sens du verset 80 de sourate Ali Imran, sur le fait qu'il y en avait qui adoraient les anges, et bien c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens, et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. والدليل الأنبياء قوله تعالى. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah Azza wa Jal. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Dans Sourate Al-Ma'ida, en traduction du sens du verset 116, rappelle-leur le moment où Allah dira au Isa, en français Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux anges, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, yani Isa dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ est la preuve que certains adoraient les vertueux. أولئك الذين يدعون قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. La traduction du sens du verset 87 de sourate Al-Isra sur l'indication qu'il y avait des personnes qui adoraient les vertueux, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux qui sont invoqués. Eh bien, ceux qui sont invoqués, déjà eux-mêmes, ils cherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Wadalil Ahjar wal Ahjar est la preuve qu'il y en a qui adoraient les pierres et les arbres. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. La traduction du sens du verset 19-20 de sourate Al-Najm, sourate 53. Que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Parce qu'on se rappelle, hein, parce que ceux qui adoraient les pierres et les arbres. On se rappelle que ici, ce qui est mentionné, l'Uzza, l'Uzza, on se rappelle que c'était un arbre que les polythéistes adoraient. Et Manat, c'était un roc, yani un roc, une énorme pierre. Donc, et bien sûr, il y a encore dans le matn. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Le hadith de Abi Waqid al-Laythi, qu'Allah soit satisfait de lui, qui dit, nous sortîmes avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, c'était pour une expédition, l'expédition de Hunayn, alors que nous étions convertis depuis peu de temps. D'accord? Donc, on comprend bien ici la suite du hadith, mais il faut retenir sur le fait que, eh bien, ils étaient parmi les sahaba qui étaient convertis depuis peu de temps. D'accord? وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيُنِيتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالَ لَا ذَاتَ أَنْوَاتٍ. Donc, et les polythéistes, donc ils ont vu, les polythéistes, qu'ils avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait ذات الأنواط. فَمَرَنَّا بِسِدْرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاتٍ الْحَدِيثِ. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes, ô envoyé d'Allah, donne-nous un ذات الأنواط tout comme eux en ont un. Donc, ce qu'il y avait, c'est que parmi ses compagnons qui étaient récemment convertis à l'islam, lorsqu'ils ont vu les polythéistes agir de cette sorte-là, eh bien, eux-mêmes voulaient les imiter dans cela. Ils voulaient donc imiter ces polythéistes-là. Et je vais mentionner quelques points sur ce hadith-là, parce que le cheikh Salih al-Sheikh ne donne pas d'explication sur ce hadith-là. Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque parmi ces sahabas-là qui étaient récemment convertis ont dit cette parole-là, alors qu'ils étaient en direction d'une expédition. Alors déjà, on s'imagine l'état, c'est-à-dire que ils sont en armée. Et ils sont direction de l'expédition de Hunayn, et puis il y en a qui se mettent à dire cela. Et on voit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agit du tawhid d'Allah azzawajal, et le danger du shirk, la mise en garde et le désaveu du polythéisme et de l'associationnisme, ainsi que des adeptes du shirk, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est intransigeant sur cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était clair. Si ça avait été aujourd'hui, parmi certains égarés, ils auraient dit, bon, je ne vais pas disperser l'armée, ouais, non, parce que sinon je risque de faire une discorde entre eux. Entre les frères ici et les frères là, bon, j'en parlerai après. Non, non. Allah Azza wa Jal dit, wa la yansurun Allah man yansuruh, inna Allah ala qawiyun aziz. Allah supportera ceux qui supportent la cause d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu clairement sur cette parole-là de ce sahabi-là, qu'il voulait en fait imiter. Qu'ils voulaient imiter les polythéistes à faire comme eux, à mettre leurs armes sur cet arbre-là pour rechercher une certaine baraka, ou une certaine protection vis-à-vis de leurs armes qui auraient touché cet arbre-là. Tout ça, c'est du shirk. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela et a interdit contre cela en disant Allahu Akbar, innaha sunan. Allah est le plus grand. Ce sont les traditions. Vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédé. C'est comme en fait, et il a donné l'exemple en fait, il a fait le parallèle avec les enfants d'Israël. Lorsque Allah Azzawajal a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple de l'armée de Pharaon et de son armée, en leur ouvrant la mer en deux, pour qu'eux ils puissent passer. Et lorsque Pharaon et son armée arrivaient derrière eux, eh bien, Allah Azzawajal a fait que la mer les a recouverts. Donc Pharaon et son armée. Donc Moussa, alayhi salam, et son peuple, les enfants d'Israël, donc étaient sauvés par Allah Azzawajal. Et lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils ont vu des gens, ils ont vu des gens qui étaient en train d'adorer une statue d'une vache, qui était en train d'adorer autre qu'Allah. Eh bien, ils ont demandé à Moussa, eh bien, fais-nous une divinité comme eux ont une divinité. Vous voyez le parallèle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait à ces sahabas-là, qui étaient fraîchement convertis à l'islam. Donc, Pourquoi j'avais insisté au départ sur fraîchement converti? C'est parce que, donc, il n'avait pas encore, hein, le fait de bien comprendre le danger de cela. D'accord? Le danger de l'imitation des kuffars et des mushrikines et le danger du shirk. Parce que Allah Azzawajal ne les supportera pas s'il y a parmi eux, eh bien, des gens qui ont une croyance qui est corrompue et qui n'est pas correcte. Donc le cheikh Salih Al Cheikh Hafidhullah explique concernant cette troisième règle-là. Hadhihi al-qa'ida fiha muqaddima wa natija. Cette troisième règle-là, elle a en fait une introduction, une préface, une introduction, et elle a un résultat. Amma al-muqaddima فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله جل وعلا عنهم في عبادتهم وآلهة العرب الباطلة التي كانوا يعبدون كانت متنوعة. Donc le cheikh حفظه الله, il dit, eh bien cette introduction, donc cette règle-là, elle a une introduction et un résultat. Cette introduction, eh bien concerne en fait la connaissance de l'état des Arabes sur ce qu'Allah Azzawajal a informé sur eux, sur les adorations qu'ils vouaient et leurs divinités qui sont les divinités des Arabes qui sont fausses, donc ces fausses divinités-là que les Arabes adoraient. Et ces fausses divinités-là étaient de différentes sortes. Elles étaient de différentes sortes. فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يعبد الشمس والقمر. Il y en avait qui adoraient le soleil et la lune. وذكر دليل ذلك. Et donc l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, a mentionné, a rappelé la preuve sur cela. وهو قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. La traduction du sens du verset 37 de sourate Fussilat, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. وهذا النوع من العرب طائفة كانت تعبد الشمس والقمر ومن غير العرب أيضا. Donc ça c'était en fait une partie, hein, des Arabes. C'était une partie des Arabes donc qui adoraient le soleil et la lune, et il y avait aussi des non-Arabes bien sûr qui adoraient également le soleil et la lune. Il y en avait d'autres qui adorer les arbres et les pierres. ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر. Donc on se rappelle, hein, l'Uzza c'était un arbre. Donc il y en avait qui adoraient l'Uzza. Et Manat c'était un roc, hein, une grosse pierre. Donc il y en avait qui adoraient les arbres, les pierres. ومنهم من كان يعبد الملائكة. Il y en avait qui adoraient les anges. كما قال جل وعلا, comme Allah Azza wa Jalla dit, ويوم نحشرهم جميعا. ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. Dans sourate Saba, verset 40 à 41, dans la traduction du sens du verset, et un jour il les rassemblera tous, yani Allah Azza wa Jal les rassemblera tous, puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مَنْ يُشْرِكْ بِالْمَلَائِكَ. Donc, il y en avait parmi les Arabes et d'autres qui associaient à Allah Azzawajal les anges dans l'adoration. C'est-à-dire qu'ils adoraient les anges, avec ou en dehors d'Allah Azza wa Jal. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُشْرِكْ بِالْأَنْبِيَاءِ. Il y en avait qui associaient à Allah des prophètes. كَعِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Comme Isa, Jésus en français. عَلَيْهِ السَّلَامِ. قَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي حَقِّهِ. Allah Azza wa Jal a dit, le concernant, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ يَتَّخِذُونِ وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Dans sourate Al-Ma'ida, la traduction du sens du verset 116, Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Issa, yani Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, yani Issa répondra, Jésus, alayhi salam, répondra: Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc, les associateurs, les polythéistes, ont associé à Allah Azzawajal Isa. Et les vertueux, les gens vertueux ont été associés à Allah Azzawajal. Les gens se sont mis à adorer les vertueux. Allah Azzawajal a dit: Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Dans Sourate Al-Anbiya, verset 101, Allah Azzawajal a dit dans la traduction du sens du verset: En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. وقد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل قول الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. La cause en fait de la révélation du verset 101 de Sourate Al-Anbiya, en seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part, ils n'entendront pas son sifflement. D'accord? Eh bien, la cause de ce verset-là, en fait, de la révélation de ce verset-là, eh bien, le cheikh Salah le cheikh Hafidhullah, il dit, eh bien, lorsque, en fait, le verset dans Sourate Al-Anbiya, le verset 98, où Allah Azzawajal dit, vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Donc les Arabes, en fait, lorsqu'ils ont entendu ce verset-là, là, que je viens de mentionner, 98, vous serez vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Donc les Arabes étaient contents lorsqu'ils ont entendu ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, قالوا سنكون مع عيسى وسنكون مع العزير وسنكون مع مع. Donc il dit, ah ben alors on sera avec, parce que vous voyez, lorsque on lit, vous serez, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Donc eux, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils seront avec ceux qu'ils adoraient. C'est ce qu'eux, ils prétendent. Ils diront, ah ben alors on sera avec Issa. On sera avec Al-Uzayr. On sera avec un tel. D'accord? ثم نزل قول الله جل وعلا. Puis Allah عز وجل a révélé, إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. Et donc Allah Azzawajal a alors révélé donc ce verset-là, 101 de Sourate Al-Anbiya: En seront écartés ceux à qui ont été précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement. C'est-à-dire que les polythéistes, ils adoraient donc les prophètes. Par exemple, ils adoraient Isa alayhi salam. D'accord? Eux, ils étaient contents lorsqu'ils ont entendu: Vous serez vous et ceux que vous adorez. Donc ils se sont dit: On sera ensemble avec ceux qu'on adorait. Mais Allah Azzawajal a clarifié cela dans le verset qui suivait: En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. C'est-à-dire que, eh bien, Isa alayhi salam sera écarté du combustible de l'enfer. Il ne sera pas le combustible de l'enfer. Donc ceux qui adoraient Isa alayhi salam ne sera pas avec Isa alayhi salam. D'accord? Mais ceux qui adoraient Isa alayhi salam et qui sont morts sur cela, eh bien, eux, ils seront dans le combustible dans l'enfer. Tandis que Isa alayhi salam sera préservé de cela. Parce qu'il n'a jamais dit aux gens de l'adorer. D'accord? Barakallahu fikum. Fatawajjahu lis-salihin bil-ibadat al-mukhtalifa lir-rijal min al-anbiya war-rusul was-salihin. Donc les polythéistes, eh bien, ils sont orientés donc avec leur adoration en l'avouant donc aux vertueux, aux prophètes, aux envoyés d'Allah Azzawajal. Et ils se sont aussi orientés vers les arbres et les pierres. Que vous ensemble, dans la traduction du sens du verset, hein, c'est de Sourate al-Najm, verset 19, que vous ensemble des divinités Lat et Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre. D'accord? Tawajjahu ila shayatin. Ils se sont aussi orientés vers les diables, wal jinn, et ainsi que vers les djinns. Et ça, c'est le verset 41 de Surat Sabah. La traduction au sens du verset, ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Le verset 6 de Sourate al-Jinn, la traduction du sens du verset, or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. C'est-à-dire qu'il, donc ce verset-là montre que il y avait des humains qui adoraient les djinns, d'accord, en dehors d'Allah Azzawajal ou avec Allah Azzawajal. هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن وحال العرب ظاهرة فيها. Donc en fait, tout ce qui a été mentionné, c'est en fait, voyez l'état. Donc ça, c'est l'introduction. Vous vous souvenez ce qu'il disait au départ? C'est que cette règle-là mentionne une introduction et un résultat. L'introduction, c'est l'état des Arabes. Voyez ce qu'ils adorent, les différentes choses. Ce qu'on a mentionné avec les différentes preuves du Coran. Puis, il dit, le Cheikh Hafidhahullah, il dit, « Hal farraq Allahu jalla wa ala fi amrihi li nabihi bayna fi'a wa ukhra » Est-ce qu'Allah azza wa jalla, dans l'ordre qu'il a donné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah azza wa jal a différencié entre les différents groupes polythéistes? فَقَالَ لَهُمْ مَنْ عَبَدَ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْأَصْنَامِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَاتِلُوهُ وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ الصَّالِحِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ شُفَعَ وَجَعَلَ الصَّالِحِينَ وَالْأَنْبِيَاءَ قُرْبَ وَزُلْفَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَهَؤُلَاءَ لَا تُقَاتِلُونَهُمْ. Donc là, le shir dit, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a différencié entre des gens qui adoraient, qu'il fallait combattre ceux qui adoraient les arbres, les pierres, le soleil, la lune, tandis que ceux qui adoraient les vertueux, les prophètes, et ceux qui recherchaient de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en adorant les prophètes, eh bien ceux-là, ce deuxième groupe-là, il ne fallait pas les combattre. لم يأتي هذا التفريق. Il n'y a pas cette différence-là. بل جاء الأمر واحد وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشركون. Il y a eu un seul ordre. Et sur tout individu qui adore quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il va vouer un acte d'adoration, hein, il va invoquer autre qu'Allah, ou il va sacrifier une bête pour autre qu'Allah, d'accord? Ou il va demander, il y a des choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire, il va les demander à autre qu'Allah, eh bien que l'individu adore une pierre, ou un arbre, ou le soleil, ou la lune, ou un vertueux, ou un prophète, ou un ange, il n'y a pas de différence. Tous invoquent ou adorent autre qu'Allah. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pas le fait que, ah ben il adore une pierre, ouais bon comprend, c'est un polythéiste. Tandis que, ah celui qui adore un vertueux, ah non attends, c'est un wali, donc c'est différent. Non, c'est pas différent. À partir du moment où il commence à invoquer et adorer autre qu'Allah, c'est un polythéiste. Peu importe ce qu'il adore, que ce soit une pierre ou que ce soit un vertueux, que ce soit un arbre ou que ce soit un prophète qu'il est en train d'invoquer en dehors d'Allah. D'accord? Donc il dit, Allah Azza wa Jal n'est pas venu avec le fait qu'il a différencié entre les groupes qui adoraient le soleil, la lune, les pierres et les arbres, et un autre groupe qui adorait les vertueux, et les prophètes et les anges. Il n'a pas différencié entre ceux-là. Mais l'ordre était unique. Et le jugement était le même, que tous étaient des mécréants, et des polythéistes. وقوتلوا وأمر الله جل وعلا بقتال جميع تلك الفئات. Et donc ils ont été tous combattus et Allah Azza wa Jalla a ordonné de combattre tous ces types hein, d'individus qu'il adore des pierres ou qu'il adore un prophète, qu'il adore un arbre ou qu'il adore un vertueux. Il n'y a pas de différence sur cela. Ce sont tous des kuffars et des associateurs. وجميع أولئك المشركين جاء الأمر بقتالهم بدون تفريق. Et tous ces associateurs-là, eh bien l'ordre est venu donc de les combattre tous sans différencier les uns des autres. Ce qu'Allah Azza wa Jal dit, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ. Dans la traduction du sens du verset 36 de Sourate At-Tawbah, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Donc le combat, bien sûr, c'est le combat qui est légiféré, d'accord, qui a les conditions légiférées. Ça n'a rien à voir avec, bien sûr, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est le terrorisme et tout cela. Le terrorisme est interdit en islam, le meurtre gratuit est interdit en islam, le meurtre d'innocents est interdit en islam. Ce que les différents groupuscules terroristes font, ceci n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est innocent de leurs actes. Mais ce sont des ennemis de l'islam qui sont en train de combattre l'islam afin que les gens eh bien, ne font que augmenter le mal contre l'islam. Mais l'islam n'a rien à voir avec cela. Donc lorsque c'est le combat qui est mentionné, c'est un combat qui est légiféré sous l'autorité du gouverneur musulman qui tient les rênes et la gouvernance de son pays, et qu'il l'ordonne à son armée. Donc ça, je ferme la parenthèse sur ce point-là. Donc dans Sourate At-Tawba, la traduction du sens du verset 36, « Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. » D'accord ? Donc Allah Azza wa Jal n'a pas différencié entre les différents types d'associateurs. Ce sont tous, tandis que à partir du moment où quelqu'un se met à invoquer ou à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est un mushrik, un kafir. C'est un associateur, un mécréant. وإذا كان كذلك كان لا فرق أن يعبد نبيا أو أن يعبد حجرا أو شجرا. Tel est le donc puisque il n'y a pas de différence donc entre cela, ce que dit le cheikh, eh bien il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui adore un prophète ou quelqu'un qui adore une pierre ou un arbre. أو أن يعبد جنيا. Ou bien quelqu'un qui adore un djinn, ou un ya'bud malakan, ou bien quelqu'un qui adore un ange. Al-hal wahida. Donc c'est le même cas. Faman ata fi hadha az-zaman wa farraqa wa qala as-salihun innama hum awliya. Donc si quelqu'un vient dans ce temps-là, comme on entend ça, parmi notamment les soufis, qui viennent et qui disent les vertueux, ce sont des bien-aimés d'Allah. ولهم مقام عند الله اي ils ont un haut statut auprès d'Allah والانبياء لهم مقام وجاه et les prophètes eux aussi ont un statut élevé auprès d'Allah فاذا استنفعنا بهم فان لهم جاه عند الله جل وعلا qu'on tire bénéfice d'eux, c'est-à-dire quoi tirer bénéfice d'eux, c'est-à-dire qu'ils se mettent à les invoquer, eh bien pourquoi? Parce qu'ils ont un statut élevé auprès d'Allah. Donc voyez comment ils apportent des équivoques à la communauté. Ils disent qu'il y a une différence entre quelqu'un qui adore un vertueux, un homme pieux, qui adore un prophète, parce que ceux-là ont, parce que les awliyas, les bien-aimés d'Allah, eh bien ont un statut élevé auprès d'Allah. Donc ils veulent dire comme quoi ils veulent minimiser le fait que quelqu'un les invoque ou recherche leur protection. Ou recherche le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal en les adorant ou en leur demandant d'intercéder en leur faveur, eh bien ils minimisent la plus grosse injustice, la plus grande des injustices, le plus grand des crimes qui est l'associationnisme, qui est le plus grand des péchés majeurs. فنقول وأي فرق بين عباد هؤلاء الصالحين والتوجه إليهم وبين عباد من عبد عيسى أو عبد العزير أو عبد الصالحين الذين كانوا يعبدون. On dit alors, on répond à ces gens-là qui veulent rapporter cet équivoque-là. On leur dit, quelle est la différence entre l'adoration de ces vertueux-là qu'il aurait voué et le fait de se tourner vers eux, de s'orienter vers eux, et l'adoration de celui qui adore Issa, Jésus, alayhi, ou celui qui adore Uzair, ou celui qui adore les vertueux, ceux qui étaient adorés. Et il farq bayna hada wa hada. Quelle est la différence entre ça et ça? La shakka anna al-hukm ala al-jami' wahid. Il n'y a aucun doute que le jugement sur tous est un. C'est-à-dire que ce sont tous des associateurs à partir du moment où ils invoquent ou ils adorent autre qu'Allah. Wa hadhihi qa'ida yaqiniya min annahu la farq bayna hada wa hada. C'est une règle qui est claire, qui est claire. Et avec une certitude pleine qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui adore une pierre ou quelqu'un qui adore un bien-aimé d'Allah. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui adore un arbre ou quelqu'un qui adore un vertueux. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui adore une vache et quelqu'un qui adore un wali. Aucune différence. Parce qu'il voue une adoration à autre qu'Allah Azzawajal. C'est donc un mushrik et c'est donc un kafir. Donc, quel est le farq bayna hada wa hada? Quelle est la différence entre ça et ça? La shakka anna al-hukm ala al-jami' wahid. Aucun doute que le jugement sur tous est un. Wa hadhihi qa'ida yaqiniya min annahu la farq bayna hada wa hada. Donc, il n'y a aucune différence entre cela, celui qui adore ça et ça. Li anna al-midar ala ubudiyat al-qalb. Car tout en fait tourne sur quoi? Sur l'adoration que le cœur voue. فَإِذَا قَامَ فِي الْقَلْبِ التَّنْدِيدُ وَالْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَسَوَاءَ أَكَانَ الْمُشْرِكُ بِهِ صَالِحًا أَمْ تَالِحًا كَانَ نَبِيًّا أَمْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا كَانَ شَجَرًا أَمْ كَانَ مَلِكًا الْأَمْرُ وَاحِدٌ. Il dit, le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah, il dit, tout repose sur quoi? Sur l'adoration qui est vouée par le cœur. Si le cœur, si dans le cœur il y a le fait, eh bien, de mettre égal à Allah, d'associer à Allah, eh bien, que ce soit celui qui est associé à Allah, qu'il soit un vertueux ou un pervers, qu'il soit un prophète, ou qu'il ne soit pas un prophète, qu'il soit un arbre ou qu'il soit un ange, eh bien le jugement est un. Parce que le cœur voue eh bien une adoration en mettant égal cette chose-là, ou ce vertueux-là, ou ce prophète-là, égal à Allah Azzawajal. D'accord? Eh bien le jugement est un. لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده. Parce qu'il incombe au cœur d'avoir l'adoration exclusivement et uniquement à Allah Azza wa Jal seul. Et que sa religion soit uniquement et entièrement à Allah Azza wa Jal seul. Comme dans la traduction du sens du verset 3 de Sourate Az-Zumar, c'est à Allah qu'appartient la religion exclusive. Et dans Sourate Zumar, verset 14, dans la traduction du sens donc de ce que Allah Azzawajal dit, قل قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني. La traduction du sens du verset 14 de Sourate Zumar dit, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte. وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فيها إلى من توجه إليه. Et cette adoration-là, du point de vue de celui qui adore, eh bien, on ne va pas commencer à différencier vers quoi il s'est orienté. فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد. وهذه العبودية من جهة العابد. Et donc, cette adoration-là, du point de vue de celui qui adore, إلى من توجه إليه، فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد. Eh bien, si l'adoration est vouée exclusivement et uniquement à Allah, alors c'est un sincère, pur monothéiste. وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. Et s'il s'est orienté, si l'adoration dans son cœur, le serviteur l'avoue et s'oriente vers autre qu'Allah, eh bien c'est un associateur, c'est un polythéiste. Donc soit c'est un monothéiste, soit c'est un polythéiste. À partir du moment où il invoque et il adore, et il ne s'en remet qu'à Allah Azza wa Jal, et il n'adore qu'Allah Azza wa Jal, c'est un pur monothéiste. Mais s'il commence à vouer une adoration pour autre qu'Allah, eh bien c'est un associateur, un polythéiste. On ne va pas commencer à différencier entre le fait qu'il a adoré un arbre ou bien et le fait qu'il a adoré un vertueux. À partir du moment où il a orienté un acte d'adoration pour autre qu'Allah, eh bien c'est un polythéiste. وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَىٰ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, dans la traduction du sens du verset 18 de Sourate al-Jinn, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Subhanallah, yani, dès qu'on lit le Coran est clair. Le Coran est clair. Mais cependant, subhanallah, yani, il y a des gens qui lisent sans comprendre ou qui lisent juste pour lire. Qu'Allah les guide et nous guide, amin. وقوله تعالى ainsi que et donc la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ahada wa qawluhu ahada, c'est-à-dire personne, ya'ummu al-jami'. Eh bien, ça généralise, c'est général. Le personne ici, c'est général. N'invoquez donc personne. C'est général, ça veut dire n'invoquer rien avec Allah, n'invoquer personne avec Allah. Et ça généralise tout, ça englobe tout. Ça englobe si l'individu invoque des vertueux, ou des pierres, ou des anges, ou des rats, ou des vaches, ou n'importe quelle créature. D'accord ? Le personne ici, ça invoque tout cela. Donc, n'invoquez donc personne, rien avec Allah. Tu ne dois pas invoquer ces créatures-là avec Allah. N'importe quelle créature, il nous est strictement interdit de l'invoquer. D'accord ? Parce que ce sont des créatures. Donc, n'invoquez donc personne avec Allah. C'est pour cela qu'il dit « يَعُمُّ الْجَمِيعَ كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ مِرْهَرًا » Donc, cela englobe tout. Comme nous l'avons précédemment mentionné plusieurs fois. وَكَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَىٰ Tel que la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dans Sourate Al-Mu'minun, verset 117. Et j'attire votre attention ici sur ce verset 117 de Sourate Al-Mu'minun. Car il y a une énorme erreur de traduction du sens du verset que j'ai trouvé et que je ne sais pas s'il est dans les... Mais bon, c'est dans les traductions qui sont en train de circuler. Alors, la traduction du sens du verset 117 de Sourate Al-Mu'minun. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente... Alors, je vais donner, inshallah, la correcte traduction du sens du verset 117 de Sourate Al-Mu'minun. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente du fait qu'il mérite à être adoré, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Donc je répète, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente du fait qu'il mérite à être adoré, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Ceci est la traduction correcte du sens du verset, Inch'Allah. Cependant, dans la traduction initiale du sens du verset, c'était écrit « Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence. » Et ceci est strictement faux. Et ceci est strictement faux. On se rend compte que celui qui a traduit ne comprend pas et ne sait pas ce que signifie « La ilaha illallah ». C'est une musiba, ça, c'est une karitha. Comment un individu peut traduire le Coran alors qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire « La ilaha illallah » Ils ont traduit « Et quiconque invoque » Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence. Subhanallah. Donc, qu'est-ce qui veut être dit par cette traduction qui est fausse en mettant de son existence? Ils veulent dire quoi? Ils veulent dire qu'en fait, les autres divinités n'existent pas. C'est faux ça. Plusieurs fois, on l'a vu dans les différents cours, barakallahu fikum, que les autres divinités existent. Il existe d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que les gens les adorent. Ils les ont mis au rang de divinités. Mais on se rappelle que ce sont des fausses divinités. Parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est le faux. Comme Allah Azza wa Jal dit, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est le faux. Et les autres divinités que les gens adorent en dehors d'Allah, ce sont toutes des créatures. Elles ne méritent en rien l'adoration. En rien l'adoration. Le seul et l'unique qui mérite tout acte d'adoration, toute vérité, c'est Allah Azza wa Jal. C'est l'unique créateur, c'est le seul. Donc seul lui mérite l'adoration. Tandis qu'en dehors d'Allah, tout est créature. Donc rien ne mérite l'adoration. Donc on ne renie pas l'existence d'autres divinités, comme celui qui essaie de nous faire croire, celui qui a traduit ça. Mais on renie l'adoration qu'il aurait vouée. Attendez, je vais lire ce que le frère Bekran me dit. Il est bien écrit, sans détenir de preuves évidentes, devra en rendre compte. Sans détenir de preuves évidentes. Naam, sans avoir la preuve évidente. Mais est-ce qu'ils ont écrit, barakallahu fik, dans le livre des trois fondements, sans avoir la preuve évidente de son existence? Si c'est écrit dans son existence, c'est faux. D'accord? Parce que ce n'est pas le fait de renier l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah. Donc, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve du fait qu'elle mérite d'être adorée, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Donc, ce qui fait problème dans la traduction qu'ils ont mis, c'est de son existence. Donc, si vous lisez de son existence pour le verset 117 de Surat al-Mu'minun, donc vous barrez de son existence et vous mettez, Inch'Allah, sans avoir la preuve évidente, du fait qu'il mérite ou qu'elle mérite d'être adorée. Aura à en rendre compte à son Seigneur. D'accord? Barakallahu fikou. Et je vous dis ça parce que c'est ce qui est dans le tafsir du grand savant l'imam Sa'di, tafsir Sa'di, dans lequel il dit, rahimahullah, وَمَنْ يَعْبُدْ مَعَ اللَّهِ الْوَاحِدْ إِلَهًا آخر لَا حُجَّ لَهُ عَلَى إِسْتِحْقَاقِهِ الْعِبَادَةِ. Voilà, le sens que j'ai donné pour le sens du verset ici, eh bien, je le tire de Tafsir al-Sa'di, qu'il dit dans son tafsir, « Et quiconque adore avec Allah, l'unique, une autre divinité, sans avoir la preuve que cette divinité-là mérite l'adoration. » Sans avoir la preuve que cette divinité-là mérite l'adoration. D'accord? Eh bien, aura à en rendre compte à son Seigneur. On ferme la parenthèse sur cette traduction du sens du verset. Donc, ce que dit le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah. Donc, il dit, « Qala jalla wa'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. La burhana lahu bih. » Donc, quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente Il dit: هذه صفة من عبد غير الله جل وعلا في أنه لا برهان له بما عبد. Eh bien, cela c'est le cas de celui qui adore autre qu'Allah, dans le sens qu'il n'a aucune preuve pour ce qu'il adore. A-t-il une seule preuve qui lui permet d'adorer cette chose qu'il adore en dehors d'Allah? وليس لها مفهوم من أن هناك ما يعبد وثم برهان عليه بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على أحقية ذلك الغير بالعبادة أو بالتوجيه. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit donc c'est que, comme je l'avais donc expliqué sur ce verset-là, hein, avec le tafsir de lui-même Sa'di, rahimahullah, il dit, eh bien, ça concerne tous ceux qui adorent autre qu'Allah. Ils n'ont aucune preuve qui leur prouve qu'ils peuvent adorer autre qu'Allah. D'accord? C'est autre chose en dehors d'Allah. Et ce n'est pas, faut pas comprendre en lisant ce verset-là, que il se peut qu'il y en ait qu'ils ont des preuves qui leur permettent d'adorer autre qu'Allah. Ce n'est pas ça. Mais cela inclut tous ceux qui adorent autre qu'Allah. Ils n'ont aucune preuve sur cela. Tous ceux qui invoquent autre qu'Allah, ils n'ont aucune preuve qui leur permette ou qui leur montre que ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah méritent l'adoration et méritent que les gens s'orientent vers ces choses-là. D'accord? فَإِذَا نَظَرْنَا فِي هَذَا الزَّمَانِ. Si lorsque l'on regarde dans ce temps-là, الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْأَوْلِيَاءِ وَيَعْبُدُونَ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَيَتَوَجَّهُونَ إِلَيْهَا وَالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَيَقُولُونَ مقامات ونحو ذلك للصحابة أو في كل بلد ثم ضريح ويتوجه للناس إليه ويشركون به يقولون هذه ليس عبادة المشركين الأولين. Donc il dit, le Cheikh barakallahu fik, lorsque l'on regarde dans notre temps, eh bien, ceux qui adorent les prophètes, ceux qui adorent les tombes, ceux qui s'orientent vers cela, ceux qui associent à Allah Azza wa Jal, il suffit qu'il y ait un mausolée quelque part et les gens s'orientent vers ce mausolée-là en disant, eh bien, celui-là c'est un wali, il faut que tu ailles le voir, etc. Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils se mettent à adorer ces créatures en dehors d'Allah? Ils disent quoi? Ils disent, eh bien, ça, ce n'est pas l'adoration des polythéistes antérieurs, des premiers polythéistes. Ce n'est pas comme leur adoration là. Pourquoi? Lima? قالوا لأن هذه عبادة الصالحين. Pourquoi? Parce qu'ils disent, parce que ça c'est une adoration pour les vertueux, pour les bien-aimés d'Allah. وأولئك إنما عبدوا الأصنام. Ils disent, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'adorer ces vertueux là. Tandis que les premiers polythéistes, eh bien eux, ils adoraient des statues. عبدوا أحجار. Ils adoraient des pierres. كيف يكون ذلك? Comment alors peux-tu comparer ou peux-tu dire que c'est pareil alors que nous on est en train d'adorer des vertueux et on s'oriente vers des vertueux et on demande à des morts de nous faire des choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire? Comment peux-tu nous comparer? Ils te disent comme ça, hein? Ils te disent, comment peux-tu nous comparer aux polythéistes alors que les polythéistes, eux, adoraient des idoles, adoraient des statues, adoraient des pierres? Hein? Tu ne peux pas nous comparer, ils te disent. كيف يكون ذلك وقد قال جل وعلا في وصف اولئك المعبودين. Regardez, subhanallah, ce qu'ils utilisent. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. Ils utilisent un verset qu'ils ne comprennent même pas. C'est le verset 21 de sourate An-Nahl. Verset 21 de sourate An-Nahl. Dans ce qu'Allah Azza wa Jal dit, ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc ils veulent utiliser ce verset-là en disant que, eh bien, l'adoration que eux ils vouent au bien-aimé d'Allah, au prophète, yani à tous ces vertueux qui sont morts, eh bien, ils utilisent ce verset-là pour dire que eux, eh bien, regardez, ça ne concerne pas l'adoration qu'on leur voue, mais ça concerne les choses qui sont mortes, qui n'ont pas de vie. C'est-à-dire comme les pierres et les statues. Vous voyez la Shubha? Ils sont morts et non pas vivants. قال طائفة من المفسرين كأبي حيان في تفسيره البحر المحيط وقاله غيره. Donc il y a donc un groupe de des exégètes du Coran comme Abi Hayyan dans son tafsir al-Bahr al-Muhit et d'autres aussi l'ont dit. إن هذه الآية في من يبعث لأن الله قال أموات غير أحياء. Ce verset-là ne concerne pas le fait que ce qui est mort, c'est-à-dire qui est inerte, qui n'a pas de vie, mais ça concerne ceux qui vont être, yani qui vont être recréés par Allah Azzawajal pour le jour de la résurrection. D'accord? Pour le jour de la résurrection. والذي يوصف بأنه ميت من كان حيا قبل ذلك. Et ils disent, et celui qui est décrit comme étant mort, eh bien, c'est celui qui était avant vivant. Vous voyez pourquoi yani l'équivoque qu'ils ont essayé d'utiliser. Ils disent, ils sont morts et non pas vivants. Ils veulent dire, ouais, mais les polythéistes, ceux qui ont été, ceux qui sont des polythéistes, qui sont des mouchriquines, ce sont ceux qui adorent les statues. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans surat Al-Nahl, verset 21, ils sont morts et non pas vivants. D'accord? Et eux, ils veulent dire comme quoi ils sont morts, ça veut dire ils sont inertes. Ils n'ont pas de vie. Et ça, c'est faux. Alors que les savants qui ont expliqué le Coran ont mentionné que celui qui est mort est celui qui était avant, il était vivant. D'accord? Man kana hayyan qabla dhalika. والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء. Et ils disent, on ne peut pas dire que les statues, ou bien les pierres et les arbres, on ne peut pas dire qu'ils sont morts et pas vivants. وإنما الذي يوصف بذلك من كان تحله الحياة ثم صار ميتا. Il dit, mais celui qui est mort, c'est celui qui avant était vivant. Parce qu'il était vivant, puis il est mort. D'accord? Et lorsqu'il est mort là, eh bien, ça y est, là, il est plus vivant, il est mort là. D'accord? Donc tu ne peux pas l'utiliser pour dire, eh bien non, ce qui est mort, eh bien c'était pour les arbres et les pierres. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Au cas où que ce n'est pas clair, vous envoyez un message, Inch'Allah, barakallahu fikum. Donc ils ne peuvent pas utiliser ce verset-là, ils sont morts et non pas vivants, pour dire, eh bien cela, ça concerne les statues et les arbres et les idoles. D'accord? Non, ils sont morts, c'est-à-dire qu'ils avaient une vie avant. Puis maintenant, ils sont dans l'état où est-ce qu'ils sont morts. D'accord? C'est-à-dire qu'ensuite, il dit quoi? Il dit, ceux qui sont décrits dans ce verset-là, eh bien ce sont ceux qui avant étaient vivants, puis sont morts. وَبَيَّنَ ذَلِكَ أكثر حين قال وما يشعرون أيان يبعثون. Et Allah Azza wa Jal, dans la suite, il suffit de lire la suite du verset, subhanallah. Et ça clarifie tout. وما يشعرون أيان يبعثون. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. فإنها بحق من يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا. Et donc, ceux dont Allah Azza wa Jal, donc qui leur a donné la mort, eh bien ceux-là qui sont morts, donc qui sont dans leur tombe, ils sont morts, d'accord, non pas vivants, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront ressuscités, ils ne savent pas quand est-ce que ce sera, donc le jour de la résurrection, d'accord. Ou est-ce que là, eh bien, le jour de vérité, à la rencontre pour rencontrer Allah Azza wa Jal le jour du jugement. فإذا هذا الذي يحتج به مشرك هذا الزمن ومشرك زمن الشيخ رحمه الله وهذا في كل مكان يقولون إنما توجهنا إلى صالحين نقول وأولئك الأولون إنما توجهوا أيضا إلى صالحين. Donc il dit, le cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah, il dit, donc, ceux qui essaient d'utiliser, les polythéistes qui essaient de trouver une preuve, dans ce temps-là, ainsi que du temps du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et ça, on le trouve dans tous les temps, en fait. Ils disent, nous sommes orientés et nous adorons qui? On s'est orienté vers qui? On a demandé et on a invoqué qui? On a invoqué des vertueux. Alors on leur répond en leur disant, eh bien sachez que les premiers, les polythéistes, les premiers polythéistes, ils se sont orientés, ils sont mis à invoquer qui? Ils sont également mis à invoquer qui? Des vertueux. Et vous connaissez tous, hein, la première fois que le polythéisme est apparu sur terre, ce fut dans le peuple de Nuh, avant qu'Allah Azzawajal envoie Nuh alayhi salam en tant que prophète et envoyé d'Allah Azzawajal. Il y avait quatre hommes qui étaient vertueux, pieux. Lorsqu'ils sont morts, le diable est venu sous une forme humaine et leur a dit, à ce peuple-là, qui aimait beaucoup, ce peuple-là qui aimait beaucoup ces quatre hommes qui sont morts, qui étaient très pieux et vertueux. Parce qu'entre Adam et Nuh, 10 siècles, comme disait Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Baina Adam ou Nuh, ashra qurun, kulluhum ala al-khayr. Ils étaient tous sur le bien, ils unifiaient Allah Azza wa Jal dans leur adoration, ils n'invoquaient qu'Allah, ils unifiaient Allah Azza wa Jal dans leur adoration, ils n'invoquaient qu'Allah, ils ne s'en remettaient qu'à Allah. Yani, c'était tous des monothéistes purs. Puis lorsqu'il y a eu la mort de ces quatre hommes-là, eh bien le diable est venu sous une forme humaine et leur a dit, construisez-leur des statues pour que vous vous rappeliez d'eux. Il leur a pas dit directement pour que vous les adorez, il leur a dit pour que vous vous rappeliez d'eux. Et donc ils ont construit ces statues-là. Puis le temps est passé, les générations se sont succédées, la science est devenue de plus en plus faible et le diable est revenu sous une forme humaine et leur a dit, vos ancêtres adoraient ces statues pour se rapprocher d'Allah. Voilà comment, puis ils se sont mis à adorer ces statues-là en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont adoré qui? En adorant ces statues-là, ils ont adoré donc des vertueux. Donc, ceux qui disent qu'ils invoquent et se tournent et s'orientent vers des vertueux, vers des awliyaïs, eh bien on leur dit, eh bien, les premiers polythéistes adoraient aussi des vertueux. قَالُوا نُطْلُبُ الْوَسَاطَ مَا طَلَبْنَا مِنْهُمْ اسْتِقْلَالًا. Donc ils disent, les polythéistes, on demande en fait qu'ils soient nos intermédiaires entre nous et Allah. On n'est pas en train de les invoquer seuls et de les adorer seuls en dehors d'Allah. Non, on s'en remet à eux pour qu'ils soient un intermédiaire entre nous et Allah. Comme ces égarés de Mubtadi'a de Soufiya qui font leur possible pour égarer la communauté musulmane du droit chemin. Ils te disent, toi, avec tes péchés, tu es sale. Et donc, avec tous tes péchés, tout ce que tu es sale, tu ne peux pas demander à Allah qui est lui est pur. Non, tu dois passer par un vertueux, un wali, qui lui est à un degré élevé, passe par lui et lui, ce vertueux-là, demandera à Allah. Voyez comment ils égarent la communauté alors qu'Allah Azza wa Jal a dit clairement dans le Coran « Ad'ouni astajib lakum » Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Et il n'a pas dit « Dites à quelqu'un qui va me dire. » Non. « Hache, a'oudou billah » Allah Azza wa Jal a ordonné dans tout le Coran le pur monothéisme qui doit lui être voué exclusivement. Donc, Allah Azza wa Jal a dit, adorez-moi, je vous répondrai. Mais eux, ces polythéistes, ils disent, eh bien, on cherche un intermédiaire. On les a pas pris indépendamment d'Allah Azzawajal et qu'on s'est mis à adorer qu'eux. Non, on s'en remet à eux et on leur demande qu'ils puissent intercéder pour nous et on leur demande, alors qu'il n'y a que Allah Azzawajal qui peut permettre et autoriser l'intercession. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans la deuxième règle. Et le fait qu'il demande l'intercession à autre qu'Allah, c'est une intercession qui est niée. Et l'intercession confirmée, c'est celle qui est demandée à Allah Azzawajal seul. D'accord? Donc ils disent, on ne les a pas pris indépendamment, mais on recherche, en les invoquant, eh bien, un intermédiaire entre nous et Allah. نقول والأولون أيضا طلبوا الوساطة والقربة والشفاعة ولم يطلبوا الاستقلال. On leur répond, eh bien, les premiers polythéistes, pareil, ils ont également demandé, hein, en adorant autre qu'Allah, hein, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa. Allah Azza wa Jalla l'a clairement mentionné en disant, dans la traduction du sens du verset, ce que les polythéistes disent, nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah. Barakallahu fik akhi Adel. Naam. Il faut la permission d'Allah et l'agrément d'Allah. Il faut que Allah Azzawajal autorise à celui qui va intercéder. Qu'Allah Azzawajal lui autorise qu'il puisse intercéder. Parce qu'il ne peut pas intercéder excepté si Allah Azzawajal le permet. Donc il faut la permission d'Allah. Barakallahu fik. Et il ne peut intercéder uniquement que pour celui dont Allah est satisfait de ses œuvres, de ses paroles et de ses œuvres. D'accord? Donc celui qui va invoquer autre qu'Allah en souhaitant l'intermédiaire de celui qu'il est en train d'adorer en dehors d'Allah, eh bien Allah Azzawajal n'agrée pas et n'accepte pas le kufr et n'accepte pas l'associationnisme qui est le pire des péchés, qui est la plus grande des injustices. D'accord? Donc s'ils disent on recherche intermédiaire, eh bien, on recherche des intermédiaires entre nous et Allah, eh bien on leur dit les premiers polythéistes, pareil, ils faisaient pareil. D'accord? Eux, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ils recherchaient que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah intercèdent en leur faveur. Ils recherchaient qu'en les adorant, ils se rapprocheraient d'Allah. D'accord? Donc ils ne les ont pas pris indépendamment comme ça. Eux, ils faisaient cela pour se rapprocher d'Allah. Vous voyez? Ils n'ont pas renié Allah Azzawajal, mais ils voulaient se rapprocher d'Allah en invoquant et en adorant autre qu'Allah. Donc il n'y a pas de différence entre les polythéistes aujourd'hui qui sont en train d'essayer de trouver des excuses pourquoi ils adorent autre qu'Allah. فالحال هي الحال وإن تغيرت الأسماء. Donc, c'est la même chose. Même ils essaient de changer de nom, et même s'ils essaient de changer de prétexte, et comme la veille est similaire à hier. Donc ce sont les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il veut dire le shir par là? On a terminé sur l'explication de la troisième règle. Donc, même s'ils essaient de trouver des prétextes en disant non, eh bien, non, eux, ils adoraient des pierres et nous, on adore des vertueux. Ou, à partir du moment où un individu se met à invoquer ou adorer autre qu'Allah, ou à demander à autre qu'Allah des choses que seul Allah Azzawajal peut faire, c'est un polythéiste et c'est un kafir. On ne différencie pas entre le fait que quelqu'un adore une pierre, ou quelqu'un adore une vache, ou quelqu'un adore un rat, ou quelqu'un adore un vertueux, ou un ange, ou un djinn, ou un diable, peu importe. À partir du moment où il invoque, ou s'en remet à une créature, où il invoque une créature, parce que tout en dehors d'Allah est créature. Allah Azzawajal est le seul créateur. À partir du moment où il invoque ou adore autre qu'Allah, c'est un polythéiste. Peu importe ce qu'il adore, peu importe ce qu'il invoque. D'accord? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair pour votre patience et pour votre écoute. Et donc, la semaine prochaine, inchallah, on va terminer, bi'idhnillah, les quatre règles, avec la quatrième règle. Jazakumullahu khairan, subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.